بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم سنخوض المسألة الثالثة وأربعين 43e مسألة في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit que Ibrahim n'était ni un juif ni un chrétien, mais qu'il était un hanif, c'est-à-dire sous la religion pure, musulman, et qui n'a jamais été du nom des mouchriquins, des associateurs. Surat Al-Imran, verset 67. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة وامثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما. Donc ce verset et d'autres versets qui vont dans le même sens dans le Coran démontrent que Ibrahim عليه السلام n'a jamais été mushrik. Et ça, bien évidemment, vous savez que c'est le mas'ala que les anbiya sont ma'soumoun du shirk. Et cela même avant d'avoir reçu al-nubuwa wa al-risala. Ils sont infaillibles face à cela, ils n'ont jamais fait de shirk. Et n'en feront jamais. Donc Ibrahim ne l'a jamais été. لِيَنَّ نَفِي الْقَوْنَ الْمَاضِي فِي قَوْلِهِ وَمَا كَانَ مِنْ مُشْرِكِينَ يَدُلُّ عَلَى إِسْتِحْرَاكَ النَّفِي لِلْجَمِيعِ الزَّمَانِ الْمَاضِي كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. Donc maintenant, la formule employée là dans le verset démontre que cela n'a jamais eu lieu. Qu'Ibrahim n'a jamais été mouchrik. Également, le premier verset, où Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit que nous avons certes donné à Ibrahim sa droiture depuis yani, auparavant. C'est-à-dire qu'il a toujours été sur la droiture. C'est-à-dire même avant d'avoir reçu le message, il n'était pas sur l'égarement du shirk et du kufr. Surat al-Anbiya, verset 51. قال وقد جاء في موضوع أو موضع آخر ما يوهم وخلاف ذلك وهو قوله تعالى فلما جن عليه ليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفال قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفال قال لئن لم يهدني ربي ليكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفالت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. Et dans d'autres versets, un autre verset dans sourate Al-An'am de 80 au 78, de 76 à 78, il y a un apparent qui laisse penser l'opposé de cela, que Ibrahim a déjà eu une croyance qui était fausse dans l'apparent du verset. Dans le sens où Allah Azza dit, et lorsque la nuit apparut et qu'il vit les astres, ou un astre, c'est-à-dire Ibrahim, il dit, cela est mon Seigneur. Et lorsque celui-ci s'en alla, il dit, je n'aime pas les choses qui s'en vont. Lorsqu'il vit la lune apparente, il dit, cela est mon Seigneur. Et lorsqu'elle s'en alla, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des peuples égarés. Et lorsqu'il vit le soleil apparent, il dit, cela est mon Seigneur, cela est plus grand. Et lorsque celui-ci s'en alla, il dit, ô mon peuple, je suis certes innocent de ce que vous associez. قال ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. Donc celui bien évidemment qui a pour croyance de ربوبية pour que Allah, il aura fait du shirk. Il aura fait du shirk, il aura associé Allah Azza wa Jal. فقال الجواب عن هذا من وجهين. La réponse en cela également sous deux angles. أحدهما أنه مناظر لا ناظر ومقصوده التسليم الجدلي أي هذا ربي على زعمكم الباطل والمناظر قد يسلم بالمقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفهم بذلك خصمه وخصمه. Donc il dit, première réponse, c'est que là Ibrahim est dans un débat avec son peuple, c'est-à-dire qu'eux sont en train d'argumenter contre lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il leur répond. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça s'appelle ça, comme le chien le cite, Taslim Jadali, c'est-à-dire dans le débat, c'est-à-dire tu laisses entendre à ton opposant qu'il a raison. pour pouvoir comment par la suite le laisser croire que toi tu le crois, que tu es d'accord avec lui, comme ça il dit ce qu'il a à dire, et après cela tu lui réponds et tu le coinces et tu l'amènes aux applications de ses paroles. قال فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا لقالوا له كذبت بل كوكب رب. Car si Ibrahim depuis le début leur avait dit, dès le début, il leur avait dit que cet astre est une créature et qu'il n'est pas possible qu'il soit le Seigneur, ils auraient dit tu mens. L'astre est un Seigneur. Donc lui n'a pas voulu les emmener à ce stade-là. Il a voulu laisser parler et laisser dire ce qu'ils ont à dire. Qu'ils imaginent qu'il leur donne raison, et après pour leur répondre. وَمِمَا يَدُلُّ لِكَوْنِهِ مُنَاظِرًا لَا نَاظِرًا قَوْلُهُ تَعَلَى وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. Et ce qui prouve qu'en fait, dans le sujet, Ibrahim, qui vient débattre avec lui, il n'aurait pas été possible qu'il dise que ces astres, ou que cette lune, ou ce soleil, soit le Seigneur. Mais lui, il n'a fait que leur répondre à ce qu'eux ont avancé. C'est dans la parole d'Allah, dans ce sens où il dit, et que son peuple, quand même, ont voulu argumenter contre lui. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. Al-An'am, verset 80. Puis cita d'autres aqwals par rapport à cette mas'ala, qu'on ne citera pas ici. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, Al-Wajhu al-Thani, deuxième réponse, أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى حَذْفِ حَمْزَةِ الْإِسْتِفْحَامِ أَيْ أَهَذَا رَبِّي وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي عِلْمِ النَّحْوِ أن حذف حمزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها. Deuxième réponse, c'est que maintenant, en fait, dans cette parole-là, il y a un sous-entendu. Le Hamzat al-Istifham a été enlevé. En fait, c'est une question. Comme s'il posait la question. Comme s'il disait, أَهَذَا رَبِّي. Est-ce que cela est mon Seigneur? D'accord? Et ce n'est pas une question à laquelle il attend une réponse. C'est une question comme s'il leur posait à eux. Est-ce que cela est mon Seigneur? Cette lune, cet astre, ce soleil? Car dans l'ensemble du Nahu, il est connu que ce Hamzat al-Istifham, ce harf, qui est un élément interrogatoire ou d'interrogation, il est permis qu'il soit enlevé lorsqu'on a des choses qui démontrent sa présence. Il y a un sens qui démontre que cette interrogation, elle est sous-entendue. Et cela est permis avec M également. Et d'autres, huruf d'istifham. Après, si tu as beaucoup de poésie, de vers de poésie, de langue arabe, qui démontrent que cela est faisable, est permis en langue arabe, qu'une question soit sous-entendue en réalité, bien que l'apparence soit un isbet, une affirmation, qui en réalité est une question. Et c'est également ce que nous avons entendu de Cheikh Yahya lors du ders de Tafsir ibn Kathir, lors de ce verset. قال وعلى هذا القول فقرينته الاستفهام المحذوف علوه مقام إبراهيم عن ذن ربوبية غير الله وشارة القرآن له بالبراءة من ذلك والآية ولا هذا القول تشبه قراءة ابن محيص أو محيص سواء عليهم أأنذرتهم. المهم également l'indice qui démontre qu'il y a une interrogation, c'est le fait qu'Ibrahim est bien plus haut que le fait de penser qu'il aurait eu une croyance de ربوبية pour que Allah Azza wa Jalla, chose qui est impossible. Donc cela est une chose qui démontre qu'il y a un istifham, une interrogation, vous avez entendu également qu'Ibrahim se désavouait d'eux et était innocent de cela. وَنَظِيرُهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ يَعْنِي أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ. Un verset qui est équivalent, qui va dans le même sens, parce que Allah Azza wa Jalla dans le sens où il dit « Et si jamais tu venais à mourir, seraient-ils, eux, éternels, c'est-à-dire les autres en dehors de toi, alors que toi, tu serais plus en droit d'être éternel. Donc, si toi, tu venais à mourir, est-ce que ce sont eux qui vont rester éternellement sur terre? Donc là, dans le verset, « قَالَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ » En fait, il y a un hamza qui était enlevé, c'est « أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ » C'est une question, en fait. Puis, cita un autre verset dans le même sens. Puis, par la suite, il dit que d'autres ulama ont cité d'autres réponses à ces deux versets-là. Et il dit que c'est toutes les réponses qu'ils ont données reviennent à ces deux réponses qu'il y a aujourd'hui-là. Une qui est que Ibrahim était munadhir, wala nadhir. Et l'autre réponse, c'est qu'il y a une interrogation qui est sous-entendue. Il dit que toutes les autres réponses que d'autres ulama ont apportées reviennent à ces deux points-là, en réalité. D'accord ? Il ne nous a pas cité vraiment Tansil, il a dit ça revient à cela. Naam. Et si tu as d'autres aqwal, mais on en a résumé à l'essentiel par rapport à cette mas'ala. Hatta la nutawwil al-kalam fi hadhi. Tamam, fa hadha alladhi akhadhna fi hadhi al-mas'ala. Wa bi hadha al-qadr, hadha al-qadr naktafi, wa alhamdulillahi rabbil alamin.